de fées en français. Oliver Twist. Le monde est un endroit étrange, en proie aux méchants et sauvé par les bons. Notre histoire nous mène aux deux. Voici l'histoire d'Oliver Twist, qui fut amené dans un orphelinat de la ville de Mudford par une nuit pluvieuse et orageuse. J'ai trouvé ce pauvre enfant. S'il vous plaît, prenez-le. Mais bien sûr. Oliver Twist vécut les 10 premières années de sa vie à l'orphelinat. C'était 10 années sans famille. Personne ne se souciait vraiment de lui et presque pas de nourriture. Ce n'est vraiment pas du tout assez. J'avais tellement faim la nuit dernière que je n'ai quasiment pas dormi. Nous devons demander à en avoir plus. Qui ferait ça? Le cuisinier nous battra si on le fait. J'ai un plan. Celui qui aura le demi-bâton ira demander. Ok. Ok. Ok. S'il vous plaît, monsieur, j'en veux plus. Qu'est-ce que tu viens de dire? Monsieur, j'en veux plus. Je vais t'apprendre, moi, à demander ça. Laissez-le partir. Vous allez vous rebeller contre moi. Vous allez le payer, Oliver Twist. Le payer. Oliver fut non seulement puni pour avoir demandé plus de soupe, mais il fut également expulsé de l'atelier et envoyé chez un menuisier en tant qu'apprenti. Voilà, Oliver. C'est ici que tu vas travailler. Noah, ce garçon est sous votre responsabilité. Il va partager votre chambre. Apprenez-lui notre art. Oui, monsieur. Alors, qu'avons-nous ici? Une petite créature maladive? Que vas-tu m'apporter, toi? Partager ma chambre? Allons, cela n'arrivera jamais. T'as compris? Eh bien, je le dirai à monsieur Sowerberry. Vraiment? Mais ce n'est pas possible! Monsieur Sowerberry! Monsieur Sowerberry! J'ai vu le nouveau garçon pousser, Noah! Je suis tombée sur le bois et la lame aurait pu me tuer, monsieur! Mais, monsieur! Assez, Oliver! Si jamais j'entends dire que tu te comportes de la sorte, je prendrai soin de toi personnellement. C'est bien compris? Tu ferais mieux de t'habituer à cela. Tu vas rester dans cet orphelinat pendant 7 longues années. Oliver rassembla ses affaires et s'enfuit dans la nuit. Il marcha pendant des semaines. Pour se rendre à Londres, loin de l'orphelinat, et loin de Monsieur Sowerberry et du terrible Noah. Croissant, croissant chaud, pour seulement 5 centimes pièce. Juste 5 centimes pièce. Toi, va-t'en d'ici. Allez, mange-le. Celui-ci est de ma part. Merci. Je ne t'ai jamais vu dans les parages avant. Tu es nouveau à Londres? Oui. Je suis Jack. Ils m'appellent tous Artful Dodger ici. Comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Oliver. Oliver Twist. Tu t'es enfui. T'inquiète pas, Oliver. Je connais un homme qui te gardera sans frais avec lui. Viens avec moi. Merci. Artful Dodger l'emmena chez un homme appelé Faggin et qui habitait dans un quartier isolé de Londres. Artful Dodger et plusieurs autres enfants restèrent également avec lui autrefois. Ouvre la porte, c'est moi. Et qui est avec toi? C'est Oliver Twist. Il est gentil, il est avec moi. Oliver Twist, tu as l'air affamé. Charlie, apporte-lui à manger. Laissez-moi les ranger. Nous faisons des portefeuilles ici. Asseyez-vous. Ah, il y a votre nourriture. Et alors, pour la première fois de sa vie, Oliver mangea un copieux repas et s'endormit très vite. Demain, il sortira avec vous tous. Quoi, déjà? Eh bien, plus vite il apprendra, mieux ce sera, car je n'ai vraiment pas besoin de lui ici. Assurez-vous que tout se passe bien, d'accord? Le lendemain matin, Fagin envoya Oliver avec les garçons pour affaires. Oliver n'avait aucune idée de ce qu'était cette affaire. Il supposa simplement que c'était pour faire des portefeuilles. Vas-y, et rappelle-toi, tu dois travailler pour pouvoir rester ici, ok? Oui, monsieur. Bonne journée, monsieur Brownlow. Bonne journée, monsieur Collins. Maintenant, regarde. Au voleur! Au voleur! Oliver fut choqué de voir que le business de Fagin et de ses garçons n'était pas de fabriquer des portefeuilles, mais plutôt de les voler. Artful, Dodger et Charlie s'enfuyèrent. La foule pensa que Oliver était le voleur et commença à le pourchasser. Bientôt, un policier l'attrapa et arrêta Oliver. Viens ici, toi. Je vous conduirai au magistrat et vous obtiendrez 7 bonnes années de prison. Mais monsieur, 7 ans, c'est quand même très dur, non? Non, le magistrat devra faire de lui un exemple. Le voleur doit être puni. Oliver fut conduit à la cour et présenté devant le magistrat. Monsieur Brownlow plaida pour la miséricorde du petit garçon, mais le magistrat resta strict et impassible. Il était sur le point d'envoyer Oliver en prison pour 7 ans lorsque monsieur Collins arriva. Monsieur, je n'ai rien volé du tout. Monsieur, vous l'avez arrêté en ville? Oui, monsieur. La foule entière le poursuivait quand je l'ai attrapé. Mon Dieu, 7 ans, c'est trop dur. Ne vous mêlez pas des affaires de la loi, monsieur. Je prononce le garçon à envoyer... Attendez, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est? Comment osez-vous vous mêler des affaires de la cour? Je vous demande pardon, monsieur, mais ce garçon est innocent. Le vrai voleur s'est échappé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Cher gendarme, vous ne l'avez donc pas vraiment vu voler? Non, monsieur. Ah, très bien. Je déclare que le garçon peut être libéré immédiatement. Suis-le. Écoute-moi, j'ai un business pour toi. Oui? Ce garçon, Oliver, j'ai besoin que tu le transformes en voleur. Eh bien, il a déjà été attrapé pour vol. Non, il a été libéré et il est maintenant avec Monsieur Brownlow. C'est un tel soulagement, le pauvre garçon! Vous devez le récupérer et le transformer en voleur. Et bien sûr, tout me dire sur lui. D'où vient-il? Qui étaient ses parents? Y avait-il un médaillon autour de son cou quand il a été amené ici? Dis-moi tout ou je te dénonce à la police moi-même. Nous ne savons rien à propos d'Oliver, sauf qu'il n'est pas de Londres. Il vient d'un orphelinat de Mudford. Après cette difficile épreuve, Oliver était très perturbé. Et cela lui prit quelques jours pour se remettre sur pied. Il était bien soigné chez M. Brownlow. M. Brownlow, il ira bien. Ce garçon m'intrigue. Quand il sera plus fort, j'ai besoin de savoir d'où il vient. Qui sont ses parents ? Pourquoi êtes-vous si intéressé par le passé du garçon ? Il vient d'un orphelinat ? C'était une très bonne amie à moi. Oh ! Le visage d'Oliver ressemble tellement au sien ! Elle pourrait très bien être sa mère ! Justement, docteur. Elle était une amie de la famille. Je n'ai plus entendu parler d'elle depuis plus de 10 ans. Oliver devenait de plus en plus fort et Fagin avait demandé à Artful Dodger de surveiller la résidence de M. Brownlow afin qu'il puisse kidnapper Oliver dès qu'il sortirait de la maison. Et un jour, M. Brownlow lui donna de l'argent et demanda à Oliver de rapporter des livres à la librairie. C'est notre fils. Il est juste très en colère en ce moment. Nous allons le ramener à la maison. Allez, fils. On va te chercher les nouvelles chaussures que tu voulais. Maintenant, viens à la maison et viens dîner. Fagin emmena Oliver chez lui et planifia un vol cette nuit-là pour transformer Oliver en voleur, comme il l'avait promis à M. Monks. Laissez-le partir. Non, Nancy. Il va faire partie du vol. Cette nuit-là, Fagin emmena Oliver et le fit entrer par effraction dans une grande et luxueuse maison. « Entre par la fenêtre et ouvre la porte de l'intérieur. Si tu ne le fais pas, tu ne sais pas à quel point je vais te punir. Vas-y. » « Qui est là ?»« Qui est dans la maison ?»« Cours !» Cette maison appartenait à Madame Rose Mayfield et elle fut prise de compassion en voyant le visage pitoyable d'Oliver. Elle s'occupa alors de lui. Un jour, un visiteur étrange vint la voir. C'est à propos d'Oliver. Rendez-vous au pont de Londres ce soir à 12h, s'il vous plaît. Oliver, savez-vous quelque chose à ce sujet ? Non, madame. On dirait que c'était Nancy du groupe de Fagin. Mais je sais qui peut nous aider. Qui ? Monsieur Brownlow. Il était très gentil avec moi quand j'étais chez lui. Oh ! Monsieur Brownlow est un ami de la famille. Je vais aller lui parler tout de suite. Alors, Madame Rose alla parler à Monsieur Brownlow et il accepta d'aller au rendez-vous du pont de Londres ce soir-là. Nancy les attendait. Monsieur Brownlow ! Madame Nancy, c'est ça ? Oui. Vous avez quelque chose à nous dire à propos d'Oliver Twist ? Oui. Il y a un homme appelé Monsieur Monks qui est déterminé à transformer Oliver en voleur. Et il voulait aussi connaître les parents d'Oliver. Il s'est alors rendu à l'orphelinat de Mudford pour les connaître. Je crois qu'il cherchait une sorte de médaillon. Pourquoi, je ne sais pas. Très bien, Madame Nancy. Merci beaucoup. Je vais vérifier tout cela. Alors, Monsieur Brownlow appela le responsable de l'orphelinat et fit également venir Monsieur Monks à son bureau. Alors, y avait-il un médaillon autour du cou d'Oliver, bébé, quand on vous l'a apporté ici ? Oui, monsieur, le voici. Agnès. Donc j'avais raison. Oliver est bien le fils de mon amie Agnès. Puis-je partir, monsieur ? Vous avez gardé le médaillon appartenant à ce garçon. Vous lui avez volé. Vous n'avez pas donné assez de nourriture aux enfants de l'orphelinat. Et vous avez jeté Oliver dehors uniquement parce qu'il a demandé plus de soupe. Comment osez-vous ? Je suis désolé, monsieur. On ne peut pas faire confiance aux hommes comme vous qui volent des enfants. Vous n'êtes plus le responsable de Mudford et je vous ferai envoyer en prison. Monsieur ! Emmenez-le. Pourquoi vouliez-vous que Oliver devienne un voleur ? Parce qu'il est mon plus jeune frère. Et que mon père avait déclaré que si l'un de nos frères agissait contre la loi, toute notre part de la richesse serait reversée à l'autre frère. Vous vouliez donc que ce petit enfant devienne un voleur pour pouvoir garder son argent ? Honte à vous, Monks. En agissant de la sorte, vous enfreignez la loi. Vous irez aussi en prison. et votre patrimoine sera transféré à Oliver. Emmenez-le lui aussi. Madame Rose, Oliver est le fils de votre sœur Agnès. Oh, Oliver! Oliver, tu es un garçon riche maintenant, et je veux te donner une famille aussi. Je veux t'adopter comme mon fils, si ça ne te dérange pas. Oh, j'aimerais tellement, merci. Mais à une condition, monsieur. Oui, laquelle, Oliver? Utiliser la richesse dont je dispose pour aider les enfants de l'orphelinat et les garçons de la bande de Fagin. Je suis tellement fier de toi, Oliver. Et ne t'inquiète pas. Je veillerai à ce que tous les garçons aillent à l'école et apprennent à devenir bons et généreux, tout comme toi.